Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue à cette grande édition de la mi-journée de ce vendredi 26 mars 2021 à la présentation Raissa Liliane Inamahoro. D'abord les titres. L'équipe nationale Inhamba Murugamba dispute un match qui l'oppose à l'équipe nationale centrafricaine cet après-midi dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. Les supporters des Inhamba demandent qu'il y ait un jeu d'équipe et de solidarité pour remporter la victoire. Vous les entendrez sur notre micro-baladeur dans ce journal. Au sommaire également, ce sont ces chiffres des personnes atteintes du VIH-Sida dans la mairie de Bujumbura. Ces personnes sont au nombre de plus de 23 000 infectées dans ces trois dernières années. Vous aurez les précisions avec le docteur Cléophile Akindavi, médecin directeur de la municipalité sanitaire de Bujumbura. L'on vous parlera dans ce journal de la rencontre de ce jeudi du ministre de l'Intérieur, du Développement communal et de la Sécurité avec les représentants des organisations non gouvernementales et les associations sans but lucratif qui sont appelées de faire des plans d'action répondant aux besoins des populations. Voilà pour le sommaire de cette édition mise en onde par Séraphine Hakidziman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal par cette actualité en bref. Les cérémonies d'inhumation de feu président John Pombe Magufuli sont en train de se dérouler ce vendredi dans son village natal, dans le district de Chato, c'est au nord de la Tanzanie. Dans ces cérémonies qui ont vu la participation de hauts dignitaires africains, le Burundi a été représenté par le vice-président Prosper Badzombanza. Et pour rappel, le président John Magufuli est décédé à l'âge de 61 ans le 17 mars courant suite à un arrêt cardiaque. Je vous le disais en titre, le jeu d'équipe et la solidarité des joueurs sont des techniques à adopter pour que la sélection nationale de football Inhamba Murugamba remporte la victoire devant l'équipe nationale centrafricaine dans le match qui les oppose ce vendredi après-midi. Les amateurs du ballon rond demandent aux sélectionneurs à procéder au remplacement une fois qu'un joueur soit fatigué. Suivez-les au micro de Mère Ndouayo. Premièrement, ce que je pensais, c'est que le Burundi va remporter la victoire. Parce que si on essaie de tenir compte de la liste que le Burundi dispose, on voit que nous avons beaucoup de joueurs professionnels qui évoluent à l'étranger par rapport à la Centrafricaine. Sur quelle base pensez-vous que la victoire est cachée? Si j'essaie de comparer le match qu'on a joué en Centrafrique, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on a changées. Par exemple, il y a beaucoup de joueurs nouveaux. Et ce sont ces joueurs nouveaux qui font beaucoup de choses pour remporter la victoire ici dans notre pays. Ma volonté, c'est simple. Nous voulons que notre équipe gagne sur le match d'aujourd'hui. Mais tout dépendra de leur préparation. Toutefois, j'ai confiance vu que l'évolution de notre équipe nationale jusqu'à aujourd'hui, ils peuvent gagner. Même si ils ne pourront pas gagner, ça sera mal. Nous allons soutenir notre équipe. Ce que nous attendons, c'est les résultats d'aujourd'hui. Ce n'est que la victoire. Parce qu'il y avait une bonne préparation depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Nous pensons aux victoires parce que nous avons des joueurs qui méritent. Un match d'aujourd'hui, ce sera un bon match si jamais les joueurs seront très bien arrangés. L'arrangés dans les places habituelles. Et si jamais le public a si le public ne soutient son équipe, ça ne serait pas une réussite. Mais nous attendons une réussite, bien entendu. Où est-ce que vous considérez avoir la réussite? La réussite est considérée au niveau des joueurs de l'avant. Les joueurs de l'avant, ils pénètrent très bien, même si je n'ai pas apprécié le milieu. Mais si jamais le coach consolide le milieu, ça serait une réussite. Premièrement, au sectionnel, il faut faire attention en défense. Parce qu'au cas où nous commettrons une erreur pour encaisser au moins un but, ça va être très difficile pour remporter le match. Deuxièmement, aux joueurs, il faut être attentif parce que tous les Burundis sont derrière eux. Ils devraient avoir beaucoup de motivation parce que si nous gagnons ce match d'aujourd'hui, ça sera un bon pas vers la CAN. La nation, c'est sûrement le soutien parce que c'est le Burundi. Aujourd'hui, il n'y a pas Musongati, il n'y a pas Vitalo au terrain. Ça sera l'équipe nationale, sûrement. L'échec, il est là, il est accidenté. C'est un combat, c'est la compétition entre deux personnes. Si la réussite vient à nous, ce sera un plaisir pour nous. Mais si la réussite va de l'autre côté, on va prendre comme ça. Il y a l'absence de certains joueurs à cause de ce COVID-19, peut-être. Mais nous ne pensons pas qu'il y a beaucoup de problèmes parce qu'il y a des rampes qui joue au même niveau que Saïdo Berahino. Nous pensons que le sélectionneur national va tenir compte de l'absence de certains joueurs et va essayer de remplacer en tenant compte du niveau de chaque joueur. Et voilà, c'était les supporters de l'équipe nationale Inhamba Murugamba au micro de Mère Ndouayo. Les coûts des actes et prestations au niveau des formations sanitaires publiques et confessionnelles sont actualisés. Cela ressort de l'ordonnance conjointe du 1er mars 2021 du ministère de la Santé publique et celui des Finances portant fixation des tarifs et des actes liés aux soins sanitaires. Par exemple, dans les formations sanitaires, la consultation d'un médecin spécialiste exige le paiement d'un montant de 6 000 francs burundais. Dans les hôpitaux nationaux, le lit en chambre est payé à 10 000 francs bout par jour. La lecture de cette ordonnance conjointe avec Vestine Boutoui. Cette ordonnance conjointe du 1er mars de cette année, signée par le ministère de la Santé publique et celui des Finances, porte à fixation des tarifs des actes médicaux d'hospitalisation, des examens paracliniques et des dispositifs médicaux dans les formations sanitaires publiques et sous convention, précise en son article 2 les tarifs des consultations dans les formations sanitaires. Le coût de la consultation des médecins spécialistes est de 6 000 francs burundais. Celui de la consultation des médecins généralistes ou dentistes est de 3 500 francs burundais. La consultation spécialisée d'un psychologue, clinicien, technicien supérieur en ophtalmologie ou anesthésiste exige 3 000 francs burundais. Son article 4 relatif à la valeur des actes médicaux montre qu'un acte médical de kiné physiothérapie coûte 800 francs burundais. Celui de la radiodiagnostic coûte 1000 francs burundais. Le coût d'un acte médical de biologie est de 300 francs. Et pour tout autre acte médical technique, le coût est de 1000 francs burundais. L'article 5 détaille les frais d'hospitalisation. Dans les hôpitaux nationaux, le lit en chambre est payé à 10 000 francs burundais par jour. Le lit en salle commune est payé à 2 000 francs burundais par jour. Le lit en chambre de réanimation est payé à 15 000 francs burundais par jour, tandis que le lit en salle de réanimation est payé à 3 000 francs burundais par jour. Les mêmes tarifs sont applicables au niveau des hôpitaux du district. En son article 12, les secrétaires permanents au ministère ayant la santé et les finances dans leurs attributions sont chargés de la mise en exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa signature. Vestine Boutoui. Poursuivons ce journal par cette brève. La population du centre urbain de Kirundo est demandée de fournir d'efforts pour la mise en application des mesures de prévention du Covid-19, car la plupart des gens y mettent de la négligence alors que la pandémie continue à se propager. Cela a été dit par le chef de cabinet du gouverneur de Kirundo, Eric Ndouayezu, dans une réunion de la plateforme provinciale chargée de la prévention des risques et catastrophes. Cette autorité signale que les salutations par l'embrassement et par des mains sont redevenues monnaie courante. Les dispositifs de lavage ne font plus rien devant certains magasins et bistrots. Ils demandent à l'administration à la base, les agents de santé, de travailler en synergie dans la sensibilisation et, si nécessaire, utiliser les moyens coercitifs aux récalcitrants. Les représentants des organisations non gouvernementales et des associations sans but lucratif sont appelés à élaborer des plans d'action compte tenu des besoins de la population qui habite les zones d'intervention. C'est un appel qui leur est lancé par le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions. Il l'a dit ce jeudi en commune Bugarama de la province Muramvya dans un atelier de formation organisé par le ministère de l'Intérieur à l'intention des représentants de ces organisations et associations pour leur rappeler leur rôle dans le développement communautaire du pays. Le point avec notre confrère Patrick Nsengiyumva. Le ministre de l'Intérieur et du Développement communautaire, Gervain Diakobucha, a demandé au cours de cette séance de formation aux représentants des organisations non gouvernementales et des associations sans but lucratif d'exercer leurs activités dans le secteur respect de la loi, fonder des collectifs d'associations de développement et établir une bonne cohabitation entre eux et les administratifs dans leurs zones d'intervention. Son ministre a également exhorté les responsables des associations sans but lucratif d'éviter toutes sortes de conflits qui puissent surgir entre eux, mais plutôt de travailler en synergie pour le développement communautaire durable. Les experts dont Pernille Vizi, Diedonné et Elias Senhamba ont indiqué que le développement communautaire n'est possible que si les projets de développement sont élaborés en tenant compte des besoins de la population. Les propos qui ont été aussi confirmés par le ministre Gervain Diakobucha, Père Diedonné Niyivizi et Elias Senhamba ont saisi aussi cette occasion pour demander aux représentants des associations sans but lucratif de penser aussi dans l'élaboration des plans d'action d'action au projet de développement qui vise de relever le niveau de vie des familles pauvres. Les participants à cette séance de formation se sont dit réjouir des enseignements récits et nous ont fait savoir qu'ils leur permettront d'améliorer leurs prestations. Ils ont demandé à cet effet d'ôter les occasions pour apprendre et l'échange d'expérience. À cette déléance des uns et des autres parmi les participants à cette séance de formation, le ministre tranquillise que bientôt de telles séances seront vulgarisées jusqu'au niveau des régions et des collines. Depuis Bugarama, en province Muramvya, Patrick Seniva pour la radio Isanganilo. Isanganilo, la radio de l'avenir. Et oui, après cette petite transition, poursuivons ce journal. Et en province Ngozi, l'administrateur de la commune Ngozi met en garde ceux qui font à la légère les travaux de pavage ou de cimenter l'espace situé entre la route principale et les clôtures des maisons en ville de Ngozi. Ils seront contraints à la démolition pour reprendre les travaux car cet espace est endommagé si les véhicules y passent. Boutchoumi Joseph Martin salue néanmoins que l'exécution des travaux est à 80%. À ceux qui expliquent le retard par le coût élevé de ces travaux, l'administrateur leur accorde un délai, mais leur demande plus de volonté. Apollinaire Mounzagara, correspondance. Ces travaux de pavage ou de cimenter ces espaces devraient prendre fin avec mi-mars en cours, mais suite aux propriétaires de parcelles concernées qui ont approché l'administration communale pour demander encore du temps, arguant que ces travaux sont trop budgétivores, la commune a jugé bon d'accorder un autre délai. Joseph Martin Bouchoumi demande néanmoins plus d'efforts et de volonté pour que ces travaux visant l'assainissement de la ville d'Ngozi puissent terminer. Parmi ceux qui n'ont pas répondu à l'appel, beaucoup de services publics qui disent ne pas avoir d'obliges. De la commune Ngozi leur conseille d'en informer leurs supérieurs pour le déblocage des fonds nécessaires. Joseph Martin Bouchoumi prévient ceux qui font ces travaux à la légère avec peu de béton que sous peu ils seront obligés de démolir pour reprendre le travail. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganil. Merci Apollinaire Muzagara. Cette brève aussi, les champs de haricots, de bananiers, patates douces, colocases et bien d'autres plantes de Kagera, Munazi et une partie de Kabengera sur la colline Nyaviamo de la commune et province Bururi ont été endommagés lors des pluies torrentielles mêlées de grêle tombées dans les localités pendant environ 2 heures l'après-midi de ce jeudi selon des sources sur place à Nyaviamo. Les cultivateurs concernés désespèrent et redoutent déjà un manque criant de vivres. Au niveau de l'administration à Bururi, on appelle à la solidarité mutuelle. Les constructions de nouveaux quartiers de la mairie de Bujumbura ne respectent pas les mesures de l'urbanisme, constat des experts lors de la synergie de ce jeudi. Ils ajoutent que les conséquences seront fâcheuses si rien ne change. Silver Chagilidje, le commissaire chargé de l'urbanisme, de l'habitat et des études au sein de l'Obura, ne nie pas la construction anarchique de ces quartiers, mais il dit que l'Obura a un projet de restructuration de ces quartiers. Le point avec Lydie Gahimbari. Des nouveaux quartiers comme Lubirizi, Winerekwa, Gihojadi, Rihal et autres sont construits anarchiquement. Même l'alimentation en eau potable est difficile à faire, selon Bernard Sindayeboula, expert en urbanisation et professeur à l'université. Il dit que des conséquences seront fâcheuses si rien ne change dans les meilleurs délais. Un ancien ministre du plan, Gaspard Kobako, a une même vision que celui du professeur. Il constate que dans ces derniers jours, les constructions des nouveaux quartiers ressemblent aux bidonvilles qui ne donnent pas une image d'une ville moderne. Chagrigé Silver, commissaire chargé de l'urbanisme, de l'habitant et des études au sein de l'Office burundais de l'urbanisme, au Burundi en sigle, reconnaît la construction anarchique qui s'observe dans des nouveaux quartiers, mais il fait savoir qu'il existe un projet de restructuration des quartiers construits anarchiquement afin d'avoir une ville neuve. Ce commissaire chargé de l'urbanisme, de l'habitant et des études au sein de l'Office burundais de l'urbanisme interpelle la population de la mairie de Bujumbura à céder 5 mètres au minimum afin de faciliter le travail de l'urbanisation. Merci Lydie Gahimbale. Je vous le disais en titre, plus de 23 000 personnes de la ville de Bujumbura sont atteintes du VIH-Sida depuis 2017 à 2020. Ces données ont été fournies par le médecin directeur de la municipalité sanitaire de Bujumbura ce vendredi lors de la réunion semestrielle du comité municipal de lutte contre le Sida. Cléophile Akindavi précise que les catégories les plus touchées sont des toxicomanes et les prostituées. Elle déplore l'inactif des associations qui interviennent dans la sensibilisation. À ce point, je vous propose d'écouter Jimmy Hatungimana, président du comité chargé de lutte contre le sida en mairie de Bujumbura. Nous nous sommes donné l'objectif d'aller en 2030 pour assainir totalement ce fléau. Alors, les statistiques, comme vous le dites, c'est vrai, la ville de Bujumbura prend le dessus avec un effectif environnant 23 000. C'est un effectif important. Les raisons sont multiples. Vous savez, quand on a une population qui fume du chanvre, qui adore la bière, vous comprenez qu'avec l'excès de la bière peut vous entraîner à aller dans une débauche. Et laquelle débauche, elle est parfois non contrôlée, non maîtrisée. Et c'est pour cette raison-là qu'on trouve à Bujumbura, mairie, les gens qui fument du chanvre sans connaître la conséquence. La conséquence, quand on a trop fumé le chanvre, quand on a trop bu, il faut aller chercher, vous accoupler quelque part. Ils y vont sans se protéger, ce qui est dommage. On doit, n'est-ce pas, organiser beaucoup de réunions dans les quartiers, dans les zones. Comme je le disais, les administratifs sont avec nous. Et ils sont au courant et les médecins qui s'occupent de cette activité, ils vont essayer de nous chercher un cadre ou bien une matière à enseigner à ces jeunes gens pour qu'ils évitent d'aller dans les désordres pour aller dans l'utile. Et oui, et pour clore ce journal, vous saurez qu'environ 55 hectares de champs des différentes cultures vivrières ont été endommagés par les pluies torrentielles mêlées de grêle et les vents violents qui se sont abattus la nuit de jeudi à ce vendredi dans la zone Kadzirabageni de la commune Nyanzalak en province Makamba. Le chef de zone qui fournit ce bilan dit qu'à côté de cela s'ajoutent 17 maisons et 2 églises dont les toitures ont été emportées. Halimenshi Emmanuel fait savoir que sa population impactée est dans une situation déplorable et lance un appel vibrant à l'État et aux âmes charitables de leur venir en aide. L'administrateur de cette commune, Nyanzalak, appelle sa population à la solidarité locale. Gorette Inarukundo insinue que lors de la réunion du conseil communal, cette question sera parmi les points à l'ordre du jour afin de voir comment leur venir en aide en tant que commune, tout en appelant les bienfaiteurs à penser à cette population qui est dans de mauvaises circonstances. Voilà, point final à ce journal de la mi-journée de ce vendredi 26 mars 2021 qui vous a été présenté par Aïssa Liliane Inamahoro. Mes remerciements s'adressent aussi à Séraphine Hakizimana et à Ornella Mucho qui a assuré la réalisation. Au revoir.